The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Scissors. Les ciseaux. Scotch. Le scotch. Ribbon. Le ruban. To see. Voir. Can. Savoir. To wrap. Emballer. Gift. Le cadeau. To be. Être. Perfect. Parfait. Now, a bit faster. Can. Savoir. To see. Voir. To wrap. Emballer. To see. Voir. Gift. Le cadeau. To wrap. Emballer. Can. Savoir. Ribbon. Le ruban. To see. Voir. Can. Savoir. To be. Être. To wrap. Emballer. Scotch. Le scotch. To wrap. Emballer. Scissors. Les ciseaux. To see. Voir. Now, use the words in context. Voir. You see? It's true. Tu vois? C'est vrai. Le cadeau. What a beautiful gift. Quel beau cadeau. Parfait. It's really perfect. C'est vraiment parfait. Être. It's excellent. C'est excellent. Savoir. He knows how to dance. Il sait danser. Voir. You see? It's true. Tu vois? C'est vrai. Savoir. He knows how to dance. Il sait danser.